Ça c'est bon. Hein. Je parlais de King Diamond auparavant, merci Full Fate. Hein. On aime un petit peu le heavy metal des années 80, bien sûr. C'est un petit piège que j'ai tendu évidemment. Hein. Le groupe s'appelle Portrait et c'est aussi suédois que Evergrey auparavant. Donc avec la voix un peu au perché comme King Diamond. Tu connais un peu à peine. King Diamond? À peine. À peine? À peine. À peine les fontaines? C'est pour ça que je viens ici, c'est pour m'instruire. Oui, oui, c'est vrai. Eh bien, t'as bien raison, parce que moi j'adore l'album Crossroads sorti en 2014, et j'y reviens souvent, parce que voilà, j'ai envie de faire découvrir aux gens des groupes assez jeunes, en fait, qui sont très influencés par Merci Vous le Faites, King Diamond, des groupes majeurs des années 80, voilà, qui ont marqué la scène metal de l'époque. Autant heavy que black, hein. C'est vrai qu'au niveau black metal, il y a eu plein de reprises de Merci Vous Faites ou de King Diamond. Et d'ailleurs, j'ai pas calé le morceau, mais je vais le faire. Tu as un petit truc à nous dire auparavant? Rien du tout, mais essaye de caler ton morceau d'abord. C'est bon. J'ai besoin de quelques secondes, parce qu'en fait, j'adore un album de Merci Vous... qu'est-ce que je dis moi? Merci Vous Faites. King Diamond, c'est The Graveyard. Et la dernière chanson en particulier de l'album est vraiment fabuleuse. C'est un jeu de mots Lucifer Ever. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on l'écoute ou pas? Ça va te faire plaisir. Ouais, ça fait beaucoup plaisir. Il faut que je m'instruise. Et je pense que Portrait s'en est bien inspiré. On écoute ça. Allez, un petit King Diamond à la fin des années 90, début 2000. L'album le plus sombre que King Diamond ait pondu, hein, comme une poule d'ailleurs. The Graveyard, allez, c'est parti. Bonne émission Parasite, oh yeah. Tell me when and I'll make it. Astérix sur 89.9. Fly FM, Fly FM. Ça fait du bien à la gorge d'écouter des chanteurs qui s'arrachent la gorge, parce que nous on s'arrache pas la gorge, on boit. On soigne. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour ceux qui n'ont pas l'habitude de boire. Oui, l'émission Parasite continue encore un petit peu. Il est 22h14, mais si vous écoutez la rediffusion vendredi soir, il est 21h14. Donc Et non, c'est le podcast, regardez autrement. Non, il est 23h14, je me trompe. Oui, et donc c'est l'avant-dernière émission de Parasite. Ben voilà, après hein, ça fera un peu de vacances. Avant la prochaine saison. Avant la prochaine saison 2017-2018. Sous Macron. Alors bon, les premières émissions se sont bien passées. On n'a rien dit de méchant en fait. Et puis j'aime bien son prénom, Emmanuel. Ça me rappelle moi. Oui, certain Manu. Manu. Turbo Manu. Ouais. Turbo Manu War. Ouais, ouais. On fera plus d'émissions à la rentrée avec Turbo Jean-Louis. C'est prévu. C'est prévu. Oui. Voilà. On va en former Turbo FM. Ouais, voilà. C'est l'équipe de Radio Broker. Ouais. Il y en a certains qui écoutaient. À l'époque, on faisait une émission qui n'était écoutée que par deux personnes, apparemment, qui jouaient en même temps aux jeux vidéo. Hein. C'est ça, exactement. Hein, Jérôme, c'est ce que tu faisais en écoutant Parasite. T'écoutais pas ce qu'on disait, mais t'écoutes. Tu jouais. Hein. Ah si, on écoutait. Si, ah oui, un petit peu. On s'instruisait déjà à cette époque. Ah oui, sur le métal. Yeah. Le bon métal. Mmh. On en écoute ce soir jusqu'à 23h, évidemment. J'ai un petit truc sympathique sous le coude. On les a vus l'année dernière, je crois, avec Christophe Siretti, qui participe au magazine Metalian, qui vient de temps en temps aussi en émission pour le groupe Grazed. D'ailleurs, ils vont revenir parce qu'il y a un album qui est en préparation qui sera disponible à la rentrée. Grazed, un groupe vraiment fabuleux avec des morceaux tels que Nounours, Poubelle et bien d'autres. Voilà. Vraiment un groupe que j'adore. Donc, et puis avec Chris, on était monté à Lyon pour aller voir Overkill. Overkill, ça tue. Hein, d'où son nom. Certes. Comme la chanson de Motorhead d'ailleurs. Exactement. Overkill, on les écoute maintenant. C'est le dernier album studio. Et ça monte, ça monte, ça monte. À Lyon, c'était fabuleux. Et au Hellfest aussi. Bientôt au Hellfest. Non, pas Overkill, mais nous, on y sera. Oui. Oh yeah. Notre dernière heure, Our Fallen Hour. C'est Overkill et le dernier album. Chérie FM à Bédarit sur 89.9. FM. Ah oui, une vieille chanson que j'adore, évidemment ça part pas de Fly FM, mais Tonight, ce soir je vais voler, je vais planer. C'est ça, c'était tiré d'une nouvelle compilation en fait, hommage à Graham Bonnett qui a chanté dans plein de formations depuis les années 70, notamment Rainbow dans les années 80 avec Ingo Malmsteen, et puis ce qu'on écoutait c'était Chris Impellitteri, le guitariste américain qui imitait bien Ingo Malmsteen. C'est pas mal quand même, non? C'était genre... sympa, ouais. Sympa, hein? Des solos bien. Petit souvenir de l'armée. Petit souvenir de... Oui, gros souvenir de l'armée, surtout quand j'étais en Allemagne et j'écoutais ça dans le Walkman. Et puis voilà, les tours de garde avec le FAMAS, en fait, ça m'a donné envie de jouer de la guitare. Voilà. Sur le FAMAS. C'était trop bon, ouais. Il y a des morceaux comme ça qui restent dans la tête pendant longtemps. Et voilà, là, vraiment, c'était le morceau que je voulais passer ce soir. Bah, il n'a aucune actualité, si ce n'est cette compilation qui est sortie, double CD, avec même des démos qui sont incluses dans la compilation, parce que les morceaux sont très mélodiques, et donc même si les morceaux ne sont pas sortis officiellement, eh ben, je trouve qu'il y a plein de mélodies qui sont vraiment fabuleuses et qui sont un peu perdues comme ça, pour essayer de retrouver et qu'on passe à la radio. Voilà, ouais, on est là pour ça. Et bien tambouleuse. Je fais sortir mon les pépites. Je suis pas payé, mais je fais mon boulot. Ouais. T'as un truc qui frappe un peu plus maintenant. Bah oui, bien sûr. Ah. Tu veux frapper sur quoi? Sur qui? Non, sur personne. Dans quoi? Dans qui? Dans les oreilles. Dans les oreilles. Alors attends. Oui, alors j'ai de l'industriel, mais moi il y a un truc qui me fait particulièrement plaisir, c'est Sepultura qui nous rend hommage avec Parasite. J'ai déjà passé dans l'émission Parasite. Ah, en plus, ça devrait plaire à Bruce. Tu as écouté le dernier album de Sepultura? Pas le moins du monde. Resistant Parasite. Je crois qu'on l'a déjà passé plusieurs fois dans l'émission Parasite. Resistant Parasite. Ça c'est du morceau. Fly FM. Fly FM. Take your money. Ah, ça c'est bon, ça, ça rappelle les années 90, bizarrement, parce qu'en fait ça sonne comme dans les années 90. Exactement. Ouais. Groupe industriel, s'il en est, SMM Surgical Met Machine. Auparavant il s'appelait Ministry, on va le dire. Psalm 69 qui a marqué les années 90. Ouais. Ouais. Ainsi que les albums de Trepo Nepal aussi, hein, on peut le dire. C'était les premiers groupes industriels. Trepo Nepal reviendra au mois de septembre. On aura peut-être une interview dans l'émission Paradis d'ailleurs. J'ai contacté Marco Neves, donc du coup on aura peut-être une interview par téléphone évidemment, parce qu'il est sur Paris je crois. Donc du coup on verra ça. On a le temps, on a 3 mois de vacances. Pas de déconner. Peu cher. Ah putain. Ah ben on cochon. Eh ben dis donc. Et oui, on a le droit nous, hein. On n'est pas payé, donc on prend les vacances qu'on mérite. Surgical Met Machine, il n'y a qu'un album sorti en 2016, évidemment. Donc l'association de Sammy D'Ambrusso, que je ne connais pas, au chant, à la guitare et à la programmation, et Al Jorgensen, toujours et encore, de Ministry, au chant, à la guitare et à la basse. Très bien, très bien. Ça nous rappelle les années 90, voilà. Moi j'aime bien. Exactement. C'est une belle période. Et puis auparavant, on a eu Sepultura, voilà. Avec Parasite, un morceau tiré de leur dernier album studio. La discographie, elle est assez énorme maintenant, hein. Sepultura, Ouais, c'est, je crois que c'est le 15e album, 16e album, Machine Messiah, sorti en début 2017, vraiment énorme. Christophe Corroyer nous écoute sur playfm.fr, nous donne son point de vue et les dates de concert. Oui, il nous dit oui, un album bientôt de Trépanel Pâle, bien sûr, ben, on les aura en interview évidemment. Et puis, qu'est-ce que tu me dis? J'ai pas eu le temps de lire tous tes derniers messages. Big up de Fréjus. Merci Christophe, évidemment, l'émission, c'est Métal en Gare, c'est tous les mardis soirs sur Radio Mosaïque FM. On peut écouter sur Internet, évidemment, Mosaïque FM, tous les mardis soirs, 21h-23h. Donc voilà, ça complète bien l'émission Parasite, parce que c'est beaucoup plus journalistique que leurs émissions. Et j'aime bien, parce qu'en fait, il y a plein de choses intéressantes. Il y a le grenier, il y a le grenier du vieux Christophe. Je dis le vieux Christophe, parce qu'il vit dans son grenier. Je déconne, évidemment, Christophe. Et on s'en inquiète pas. Ouais, des belles pépites, en tout cas, moi j'aime bien. Et je découvre plein de groupes des années 80-90, notamment plutôt des groupes trash, qui sont vraiment intéressants, quoi. Et voilà, il nous annonce donc en concert Loudness, Sacred Reich, Exciter, Demolition Hammer et Creator. Ce sera pour le festival, Colony Festival. Voilà, merci Christophe. Oui, bah oui, bah oui, il rigole. Bon, il est sous notre gueule, je crois. Il a le droit, il a le droit. Je déconne, mais c'est Mosaïque oui. FM, c'est ça le mardi soir. Mosaïque FM, ouais. Je crois qu'ils n'arrêtent pas l'été, je suis pas sûr. Ils prennent pas de vacances, eux. Hein. Ouais. Ah, eux, ils sont payés, donc ils évidemment, bossent, ça fait de la maille. Ah, oui, on va pas payer. Ça se consolera pour le retour de Parasite. Oui, et puis voilà, ils boiront, pour la prochaine émission de Metal en Gare, ils boiront une bière à notre santé. Et ils viendront, donc je l'ai invité, hein, Christophe, si tu te rappelles, je t'ai invité à l'émission Parasite. Donc on fera ça à la rentrée, j'espère. Allez, gros kissou, mec. À bientôt. On continue en musique, évidemment. Petite musique un peu différente. Le groupe s'appelle Alma, on l'écoute. C'est un petit souvenir que j'aime bien ressortir de temps en temps. Des groupes que j'ai passés il y a quelques années, qui n'ont pas forcément marché, mais que j'adore. Alma, le groupe. Change. à Monteux sur 89.9. Dans l'émission Parasite, toujours et encore du heavy metal, Place Vendôme, on était à Paris à l'instant avec Michael Kiske, le chanteur de Helloween, qui revient d'ailleurs dans Helloween pour la reformation, et une tournée qui s'annonce productive, et d'ailleurs viennent à Paris pour le mois de décembre, si je me rappelle bien, j'ai pas les dates en mémoire, mais regardez un peu sur internet, c'est vraiment fabuleux quoi. Kay Hansen, Michael Kiske, qui est la formation originelle de Helloween, il ne faut louper ça sous aucun prétexte. L'émission Parasite va bientôt finir. Il nous reste un petit quart d'heure, même pas un quart d'heure. Et je voulais passer un petit peu de Immolation parce que voilà, il y a David qui aime Immolation, qui était au concert. On était ensemble. D'ailleurs, on s'est pas vu à l'époque, on se connaissait pas. Mais voilà, le dernier Immolation, je l'ai trouvé fabuleux. Donc, bah, pour toi, David. Et tu reviendras dans l'émission Parasite pour en parler. Immolation, je sais que tu aimes. C'est le concert avec Anime, Napalm Death, Immolation, Macabre. Voilà, ça, voilà. Belle date de concert en tout cas. Je relance le morceau depuis le début parce que je l'avais voilà, envoyé un petit peu tôt. Epiphany, c'est le morceau du dernier album. On va bientôt finir l'émission Parasite. Non. Bah si. Non. Toute bonne chose a une fin. Sauf le saucisson, qu'il y en a deux. Yeah. Trek sur 89.9. C'est trop bon quand même, hein, cette voix magnifique. On sent qu'il a bossé ses gammes pendant des années et des années. Ouais. Il a tout niqué la bière. C'est un peu du gruc-gruc, comme on dirait dans l'émission. Tapage nocturne tous les vendredis soirs avec Emmanuel Moisset. Ouais, j'adore cette émission aussi. Ouais, ouais. Gruc-gruc. J'ai vu une fois au Hellfest et franchement, c'est fabuleux. Quoi. Le mec qui joue du pad comme ça, c'est... Voilà, c'est une tuerie. Quoi. Bah, c'est vrai que c'est pas vraiment un musicien... Ouais, il joue pas de la batterie, ouais, il n'y a pas de batterie acoustique maintenant, ils ont changé, ils ont pris un mec qui joue la boîte à rythme avec des pattes, quoi. C'est vraiment spécial, quoi. Mais c'est original, c'est unique, voilà, j'adore. On a écouté Brandequin, le groupe Brandequin qui était au Hellfest l'année dernière, je crois, il y a un an et demi. Et c'est la fin de l'émission, Jérôme, merci d'être venu, avec ton pote David qui va revenir. Hein, ça a l'air bien, oui. Il y a pas de problème. Les mains dans le dos, il mettra un casque à les oreilles, un micro dans la gueule. Et une Jack Daniels dans la gueule. Comme tous les autres. T'inquiète pas, ouais. La semaine prochaine, c'est la dernière de l'émission Parasite pour la saison. Il y aura les Ghost Crappers. On les a pas passés ce soir, mais bon, c'est pas grave. On les écoutera bien. On fera des tripes plus tard. Ouais, bien sûr. On va boire des bières aussi, tous ensemble, en direct sur playfm.fr, dimanche prochain, à partir de 21h. Bonne fin de soirée à tous, au programme des émissions de Play FM. Et puis, on se retrouve évidemment pour la rediffusion, 22h, vendredi prochain, pour cette émission enregistrée. Voilà, Jérôme, bon été, on se retrouvera pour des merguez, je sais pas. Bon été, ouais, exactement. On va faire la fête. Oh oui, yeah. Je t'occuperai de l'animation sonore, hein, si tu veux. Ah oui, je veux. Ah oui, bien sûr. Pas de problème. J'ai deux morceaux pour faire l'émission, je sais plus lequel mettre maintenant. J'ai un CD et j'ai aussi Flayed à Flayed, dont je vais passer la semaine prochaine, ce sera plus dans l'optique Ghost Rapper. Pardon. On écoute maintenant pour se quitter. Hell yeah. Hell yeah. Le frère du guitariste de Pantera, qui nous a quitté il y a très longtemps maintenant. Hell yeah, fête ses 10 ans et donc avec le magazine Metal Hammer anglais, sort une compilation pour fêter les 10 ans du groupe Hell yeah. C'est bon ça. J'adore. Très rock and roll. Oh yeah. Bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée, bon week-end. Avec du big rock and roll. Cowboy. Fucking difference. So come on in and take a seat and listen to the lies they love. Parasite, tous les dimanches soirs à 21h, c'est l'émission la plus métal de la bande FM. Au programme, vous retrouverez tous les artistes et les acteurs du hard rock, du thrash, du death et du black metal. De nombreuses nouveautés seront dans l'actualité chaque semaine, ainsi que les découvertes de nouveaux groupes. Les annonces de concerts ainsi que les interviews seront au programme. Alors n'oubliez pas, le dimanche soir sur Fly FM, Parasite, 21h, 23h.